appuyé vers l'autel, chichement éclairé, sur son talon aiguille, pivote sa cheville et balance son sac tout au bout de son bras, puis s'avance déhanché sur le trottoir mouillé pour mettre en valeur son beau corps élancé aux appâts bien troublants. Pour provoquer l'amant, la fille à toi, la fille à moi. Te frôlant en passant, en son parfum grisant, lui murmure doucement, je voudrais maintenant être un homme avec toi, mais c'est la première fois, t'as regardé longtemps. Entre ses cils baissés, puis t'as dit gentiment, dans un profond soupir, t'es bien jeune pour ça, petit gâteau viendra, la fille à toi, la fille à moi. Elle a tourné ses pas, et toi le cœur gonflé, au coin d'obscurité, à cacher ton dépit, car tu vois, elle te plaît, cette fille de joie, que tu vois maintenant, avec un autre gars, pénétrer en l'hôtel, chichement éclairé, te privant d'un amour, si longtemps espéré, la fille à toi, la fille à moi. Perdu dans tes pensées, tu les as vues d'un coup, séparés maintenant, et comme indifférents, te livrant en l'instant, un amour au rabais. Est-ce un rêve maudit qui s'en va avec lui, soudain évanoui dans le brouillard épais qui tombe sur Paris, maintenant endormi. La fille à toi, la fille à moi. Elle a repris ses pas et t'a vu tout là-bas, et passant ses longs doigts en tes cheveux bouclés, souvenirs réveillés, son regard s'est troublé, car en toi elle voit un autre petit gars qu'elle a caché là-bas, afin qu'il n'apprenne pas que sa jolie maman est une fille de joie, la fille à toi, la fille à moi. Dans son cœur est entrée une grande anxiété, elle ne sait vraiment pas ce qu'il fera plus tard. Sur ce bien long chemin qu'on appelle la vie, comme lui, petit gars, auras-tu un emploi, désespoir infini d'une mère meurtrie. Dans un dernier sourire, elle a tourné ses pas, la fille à toi, la fille à moi. Le grand corps est lancé, c'est doucement tassé, quand elle va s'appuyer vers le passant hôtel, ne regarde la rue, afin que tu ne vois cette perle brillante qui roule sur sa joue, car tu vois, petit gars, cette larme d'amour, si longtemps retenue, elle est aussi un peu pour toi.